Vénus rustique, sixième partie. C'était l'être absolu, créé selon les lois primitives, le type éternel de la race qui, dans le cours des temps, reparaît quelquefois, dont la splendeur est règne ici-bas et terrasse tous les vouloirs humains et dont l'art saint est né. Ainsi que l'homme aima Cléopâtre et Prinée, on l'aimait, et son cœur répandait, comme une onde, sa tendresse abondante et sereine sur tous. Elle ne détestait qu'un être par le monde. C'était un vieux berger perfide, à qui les loups obéissaient. Jadis, une bohémienne le jeta tout petit dans le fond d'un fossé. Un pâtre du pays qui l'avait ramassé l'éleva, puis mourut, lui laissant une haine pour quiconque était riche ou paraissait heureux, et, disait-on, beaucoup de secrets ténébreux. L'enfant grandit tout seul, sans famille et sans joie, menant paître au hasard des chèvres ou des oies, et tout le jour debout sur le flanc du coteau, sous la pluie et le vent et l'injure des bouches. Alors qu'il s'endormait roulé dans son manteau, il songeait à ceux-là qui dorment dans leur couche. Puis quand le clair soleil baignait les horizons, il mangeait son pain noir en guettant par la plaine ce filet de fumée au-dessus des maisons qui dit la soupe au feu dans la ferme lointaine. Il vieillit. Un effroi grandit à ses côtés. On en parlait le soir dans les longues veillées et d'étranges récits à son nom chuchotés tenaient jusqu'au matin les femmes réveillées. À son gré, disait-on, il guidait les destins. Sur les toits ennemis faisait choir des désastres et, déchiffrant ces mots de feu qui sont les astres, épelait l'avenir au fond des cieux lointains. Tout le jour, il roulait sa hutte vagabonde, ne se mêlant jamais aux hommes, et souvent, quand il jetait des cris inconnus dans le vent, des voix lui répondaient qui n'étaient point du monde. On lui croyait encore un pouvoir dans les yeux, car il savait dompter les taureaux furieux. Et puis, d'autres rumeurs coururent la contrée. Une fille qu'un soir il avait rencontrée sentit à son aspect un trouble la saisir. Il ne lui parla pas, mais dans la nuit suivante, elle se réveilla frissonnant d'épouvante. Elle entendait au loin l'appel de son désir. Se sentant impuissante à soutenir la lutte, malgré l'obscurité redoutable, elle alla partager avec lui la paille de sa hutte. Lors, suivant son caprice impur, il appela des filles chaque soir, toutes jeunes et belles, sans révolte pourtant et sans pudeur rebelle, prêtaient des seins de vierge aux choses qu'il voulait et paraissaient l'aimer, bien qu'il fût vieux et laid. Il était si velu du front et de la lèvre, avec des sourcils blancs et longs comme des crins, que semblable au saillon qui lui couvrait les reins, sa figure semblait pleine de poils de chèvre, et son pied beau mettait sur la cime du mont, quand le soleil couchant jetait son ombre aux plaines, comme un sautillement sinistre de démon. Ce vieux Satan rustique et plein d'ardeurs obscènes, près d'un coteau désert et sans verdure encore, mais que les fleurs d'ajon couvraient d'un manteau d'or, par un brillant matin d'avril rencontra celle que le pays entier adorait. Il reçut comme un coup de soleil alors qu'il l'aperçut et frémit de désir tant il la trouva belle. Et leurs regards croisés s'attaquèrent. Ce fut la rencontre de dieux ennemis sur la terre. Il eut l'étonnement d'un chasseur à l'affût qui cherche une gazelle et trouve une panthère. Elle passa. La fleur de ses lourds cheveux blonds se confondit au pied de la côte embaumée comme un bouquet plus pâle avec les fleurs d'ajonc. Pourtant elle tremblait, sachant sa renommée, et malgré le dégoût qu'elle sentait pour lui, redoutant son pouvoir occulte, elle avait fui. Elle erra jusqu'au soir, Mais à la nuit venue, elle s'épouvanta, pour la première fois, de l'ombre qui tombait sur les champs et les bois. Alors, en traversant une noire avenue, entre les rangs pressés des chênes, tout à coup, elle crut voir le pâtre immobile et debout. Mais comme elle partit d'une course affolée, elle ne sut jamais, dans son effarement, si ce qu'elle avait vu n'était pas seulement quelques troncs d'arbres morts au milieu de l'allée. Et des jours et des mois passèrent. Sa raison, comme un oiseau blessé qui porte un plomb dans l'aile, s'affaissait sous la peur incessante et mortelle. Même, elle n'osait plus sortir de sa maison, car sitôt qu'elle allait au champ, elle était sûre de voir le vieux paraître au détour d'un chemin. Son œil rusé semblait dire « c'est pour demain » et mettait comme un fer ardent sur la blessure. Bientôt, un poids si lourd courba sa volonté, quand son cœur engourdi de crainte vint à naître un besoin d'obéir à la fatalité. Et décidée enfin à se rendre à son maître, elle alla le trouver par une nuit d'hiver. La neige dont le sol était partout couvert étalait sa blancheur immobile. Une brise qui paraissait venir du bout du monde errait glaciale et faisait craquer par la forêt les arbres qui dressaient tout nus leur forme grise. Dans le ciel douloureux, la lune, ainsi qu'un fil de lumière, indiquait à peine son profil. La souffrance du froid étreignait jusqu'aux pierres. Elle marchait, les pieds gelés, et sans songer, certaine qu'elle allait trouver le vieux berger et tachant d'un point noir les plaines solitaires. Mais elle s'arrêta, clouée au sol. Là-bas, sur la neige, couraient deux bêtes effrayantes. Elles semblaient jouer et prenaient leurs ébats, et l'ombre agrandissait leurs gambades géantes. Puis poussant par la nuit leurs élans vagabonds, toutes deux, dans l'ardeur d'une gaieté folâtre, du fond de l'horizon vinrent en quelques bonds. Elle les reconnut, c'étaient les chiens du pâtre. Hors d'haleine, et flanqués par la faim, l'œil ardent sous la ronce des poils emmêlés de leur tête, ils sautaient devant elle avec des cris de fête et ce rire velu qui découvre la dent. Comme deux grands seigneurs vont en une province quérir et ramener la belle de leur prince, et la guidant vers lui, caracole tout autour, ainsi la conduisaient ses messagers d'amour. Mais l'homme qui guettait, debout sur une butte, vint et lui prit le bras en montant vers sa hutte. La porte était ouverte, il la poussa dedans, la dévêtant déjà de ses regards ardents, et des pieds à la tête il tressaillit de joie, ainsi qu'on fait au choc d'un bonheur qu'on attend. Depuis qu'il l'avait vue, il était haletant comme un limier qui chasse et n'atteint point sa proie. Or, quand elle sentit traîner contre sa peau la caresse visqueuse ainsi qu'une limace de ce vieux qui gardait l'odeur de son troupeau, tout son être frémit sous ce baiser de glace. Mais lui, tenant ce corps d'amour au flanc si doux que tant de fiers garçons devaient déjà connaître et fait pour être aimé si follement de tous, en son cœur de vieillard difforme, sentit naître la jalousie aiguë et sans pardon. Il eut un besoin vague et fort de vengeance cruelle. Elle subit d'abord l'amant maigre et poilu, puis, comme elle luttait, il se rua sur elle en la frappant du poing pour qu'elle consentît. Et le silence épais des neiges amortit quelques cris comme ceux des gens qu'on assassine. Tout à coup, les deux chiens poussèrent longuement par la plaine déserte un triste hurlement et des frissons de peur couraient sur leur échine. Dans la cabane, alors, ce fut comme un combat, les heurts désespérés d'un corps qui se débat sonnant contre les murs de l'étroite demeure. Puis, comme les sanglots d'une femme qui pleure, et la lutte reprit, dura longtemps, cessa, après un faible appel de secours qui passa et mourut sans écho dans les champs. Le jour pâle commençait à tomber faiblement du ciel gris. Un vent plus froid geignait avec le bruit d'un râle. Le givre avait roidi les arbres rabougris qui semblaient morts. C'était partout, la fin des choses. Mais comme on lève un voile, un nuage glissant fit pleuvoir sur la neige un flot de clarté rose. Le ciel devenu pourpre éclaboussa de sang, et le coteau désert au bout des plaines blanches, et la hutte du pâtre, et la glace des branches. On eût dit qu'un grand meurtre emplissait l'horizon, et le berger parut au seuil de sa maison. Il était rouge aussi, plus rouge que l'aurore, même lorsque le ciel cramoisi fut lavé, quand tout redevint blanc sous le soleil levé, lui, hagard et debout, semblait plus rouge encore, comme s'il eût trempé son visage et sa main avant que de sortir dans un flot de carmin. Il se pencha, prenant de la neige, et la trace de ses doigts fit par terre un large trou sanglant. S'étant agenouillé pour se laver la face, une eau rouge en coula qu'il regardait, tremblant, avec des soubresauts de peur. Puis il s'enfuit. Il dévale du mont, roule dans les ornières, perce d'épais fourrés pareils à des crinières, et fait mille détours comme un loup qu'on poursuit. Il s'arrête. Son œil, que la terreur dilate, guette de tous côtés s'il est loin d'un hameau. Alors, dans sa main creuse, il fait fondre un peu d'eau pour effacer encore quelques taches écarlates. Puis il repart. Mais en son cœur surgit l'effroi d'errer jusqu'à la mort, sans rencontrer personne, par la neige si vaste et sous un ciel si froid. Il écoute. Il entend une cloche qui sonne et va vers le village à pas précipités. Les paysans déjà causaient de porte en porte. Il leur crie en courant « Venez tous, elle est morte !» Il passe, il va frapper aux logis écartés, répétant « Venez donc, venez, je l'ai tuée !» Alors une rumeur grandit, continuée jusqu'au hameau voisin. Et chacun, se levant et quittant sa maison, accompagne le pâtre. Mais lui n'arrête pas sa course opiniâtre, il marche. Le troupeau des hommes le suivant déroule par les prés sans tache un ruban sombre. Tout pays qu'on traverse augmente encore leur nombre. Ils vont, tumultueux, là-bas, vers la hauteur où les guides, essoufflés, leurs sinistres pasteurs. Ils ont compris quelle est la femme assassinée et ne demandent pas ni pourquoi ni comment le meurtre fut commis. Ils sentent vaguement planer sur cette mort comme une destinée. Elle avait la beauté, lui, la ruse. Il fallait qu'un des deux succombât. Deux puissances égales ne règnent pas toujours. Deux idoles rivales ne se partagent point le ciel et le dieu laid ne pardonne jamais au dieu beau. Sur la cime de la côte et devant la hutte, on s'arrêta. Il osa seul entrer en face de son crime, et ramassant la morte aimée, il l'apporta pour la leur jeter, nue et d'un geste d'outrage, comme s'il eût crié « Tenez, je vous la rends !» Puis il gagna sa hutte et s'enferma dedans. On l'y laissa, mordu d'amour et plein de rage. Sur la neige gisait le corps éblouissant, où n'apparaissait plus une goutte de sang. Car les chiens, la trouvant immobile et couchée, l'avaient, avec tendresse, obstinément léchée. Elle semblait vivante, endormie. Un reflet de beauté surhumaine illuminait sa face. Mais le couteau restait planté, juste à la place où s'ouvrait une route entre ses seins de lait. Sa figure faisait une tache dorée sur la blancheur du sol. Les hommes éperdus la contemplaient ainsi qu'une chose sacrée, et ses cheveux ardents, en cercle répandu, luisaient comme la queue en feu d'une comète, comme un soleil tombé de la voûte des cieux. On eût dit des rayons qui sortaient de sa tête, l'auréole qu'on met autour du front des dieux. Mais quelques paysans, des vieux au cœur pudique, arrachant de leur dos la veste en peau de bique, couvrirent brusquement sa claire nudité, et les jeunes, ayant coupé de longues branches, construit une civière et retroussé leurs manches, par 20 bras qui tremblaient, son corps fut emporté. La foule, sans parole, à pas lents l'accompagne, et jusqu'au bord lointain de la pâle campagne rampe, comme un serpent, l'immense défilé. Et puis, tout redevint muet et dépeuplé. Mais le pâtre, enfermé dans sa hutte isolée, sent une solitude horrible autour de lui, comme si l'univers tout entier l'avait fui. Il sort et n'aperçoit que la plaine gelée, la peur l'étreint. N'osant rester seul plus longtemps, il siffle ses grands chiens, ses 2 bons chiens de garde. Comme il n'accourt point, il s'étonne, il regarde, mais il ne les voit pas gambader par les champs. Il crie alors, la neige étouffe sa voix forte, il se met à hurler à la façon des fous. Ses chiens, comme entraînés dans le départ de tous, abandonnant leur maître, avaient suivi la morte.